العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، chers frères, sachez que la meilleure invocation est Alhamdulillah. Alhamdulillah est une des meilleures paroles par laquelle tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui louer et l'invoquer. C'est une des paroles les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les mérites de cette parole sont indénombrables. Et celui qui la prononce souvent recevra d'énormes récompenses dans ce monde et dans l'au-delà. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de cette parole et sa place auprès de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, le fait qu'Allah ait commencé son livre, Al-Qur'an al-Azim, par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dans Surat al-Fatiha qui elle-même et la plus grande soie du Coran, celle qui a le plus de mérite, et aucun prophète n'a reçu une soie aussi immense que celle-ci. Et il n'y a pas dans le Coran une soie avec plus de mérite que celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a également commencé d'autres soies par cette parole-là, Alhamdulillah. Comme dans Surat al-An'am al-Kahf, dans Fatir et d'autres soies. Allah nous dit louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur le livre et ne l'a point rendu ambigu. Alhamdulillah est une invocation qui est venue dans plus de 40 endroits dans le Coran. On doit voir Allah subhanahu wa ta'ala et proclamer ses éloges et sa louange, car il le mérite subhanahu wa ta'ala, de la perfection de ses noms, de ses attributs, de ses actions tabaraka wa ta'ala. Et car c'est celui qui nous a comblé de ses bienfaits, tabaraka wa ta'ala. Et chaque bienfait qu'Allah te donne, pour chaque bienfait qu'Allah te donne, tu dois être reconnaissant. Et tu dois louer Allah, tabaraka wa ta'ala, pour ses bienfaits. Et ses bienfaits sont indélébrables, comme il nous le dit lui-même dans le Coran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna l'insana ladhulumun kaffar. Allah a commencé la création par Alhamdulillah, comme c'est venu dans Surat al-An'am. Loué soit celui qui a créé les cieux et la terre jusqu'à la fin du verset. Et il a fini sa création par Alhamdulillah. Comme cela est venu à la fin de Surat Zuma. Et il nous informe dans le Coran que la dernière parole des habitants du paradis, la dernière invocation sera Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme cela est venu dans Surat Yunus. Et parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hamid, celui qui est digne de louange, celui qui mérite entièrement toutes les louanges et les éloges à la perfection, subhanahu wa ta'ala. Et personne que lui ne les mérite à la perfection la plus complète. Allah dit dans le Coran, vous les gens, vous êtes des indigents auprès d'Allah, et Allah lui est le riche, le digne de louange. Donc parmi les noms d'Allah, Al-Hamid. Al-Hamid. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au paradis une maison qui s'appelle la maison de la louange. Pour qui, cher frère? Pour tout serviteur qui louera Allah dans l'aisance et dans la difficulté. Pour celui qui dira son Alhamdulillah dans la difficulté, Alhamdulillah ala kulli hal. Et dans l'aisance, Alhamdulillah. Dans le bonheur et dans le malheur, Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'enfant d'un serviteur décède, meurt, Allah appelle ses anges. Allah appelle les anges. Et leur dit, est-ce que vous avez récupéré l'âme de l'enfant de mon serviteur? Alors les anges répondent oui au Seigneur. Seigneur. Alors Allah leur dit, et qu'a dit mon serviteur? Comment a-t-il réagi? Les anges répondent, il t'a loué au Seigneur, il a dit Alhamdulillah. Wa sardia, c'est-à-dire qu'il a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah qui nous appartient, et c'est vers lui que se fera notre retour. Alors Allah dit aux anges, construisez-lui une maison paradis. Construisez-lui une maison paradis. Et appelez-la la maison de la louange. Appelez-la la maison de la louange. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué souvent Allah par cette parole-là, Alhamdulillah. Lorsqu'il commençait la prière, il récitait le Fatiha. Et elle commence par Alhamdulillah. Lorsqu'il se mettait en recours, il louait Allah également. En consternation également. Et lorsqu'il se relevait du recours, il disait Sami Allah liman hamida. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعد احق ما قاله العبد احق ما قال العبد لوسكي سغلوبي بركوع الى الله سبحانه وتعالى يا رفعنا شاك خيار الكنيسه المكاسو et parmi celles-ci disait 33 fois الحمد لله. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait se coucher, il louait Allah subhanahu wa ta'ala en disant loué soit la louange ou bien celui qui m'a loué, m'a abreuvé, m'a suppli et m'a donné le gîte, la maison, une demeure. Et combien sont les gens qui n'ont pas de protecteur ni d'endroit où loger. Et lorsqu'il se réveillait, il commençait par Alhamdulillah. Il disait, loué soit celui, la louange revient à celui qui m'a redonné vie après m'avoir fait mourir. Et c'est vers lui que se fera le retour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam remplissait ses journées par cette parole. De cette parole, Alhamdulillah, lorsqu'il se réveillait, lorsqu'il dormait, lorsqu'il allait dormir, lorsqu'il priait. Et lorsqu'il commençait, ou lorsqu'il finissait son repas. Ou lorsqu'il finissait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la meilleure invocation c'est Alhamdulillah. Et le meilleur rappel c'est la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Alhamdulillah remplit la balance. Et la balance est bonne sur le jour du jour dernier. وسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأان ما بين السماء والأرض. Et ces deux paroles, الحمد لله et سبحان الله, remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Cette parole-là ou ces paroles-là remplissent l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah est satisfait de son serviteur. Si lorsqu'il mange une chose, le loue. C'est-à-dire qu'il dit Alhamdulillah. Et lorsqu'il boit une chose, il le loue. Il boit une gorgée, ou il boit un verre d'eau, ou quoi que ce soit. Et il finit en disant Alhamdulillah. Cette courte parole te vaudra la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour chaque bienfait, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces bienfaits sont indépendants. Et plus grand que le bien vers lui-même, le fait qu'Allah te facilite et t'oriente afin que tu sois reconnaissant. En disant Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ma an'am Allahu ta'ala ala abdi ni'ma. Faqala Alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal mimma a'ta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un bienfait qu'Allah donne à son serviteur sans que ce qu'il ait dit soit mieux que ce qu'il lui ait donné. C'est-à-dire lorsqu'Allah te donne un bienfait dans ce monde, de l'argent, une épouse, des biens, des enfants, ben lorsque tu le remercies en disant Alhamdulillah, c'est encore mieux que ce qu'il t'a donné parmi les bienfaits mondains. C'est encore mieux que ce qu'il t'a donné parmi les bienfaits mondains. Donc efforcez-vous de prononcer cette parole-là avec abondance. Alhamdulillah. Car c'est une parole qu'Allah aime. Comme c'est venu dans le dernier hadith, c'était dans Sahih Bukhari. Et on va finir notre débat par ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Subhanallah bihamdi. Oh, Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdi. Ou bien, Na'am. Ce sont deux paroles qui sont légères sur la langue, qui sont lourdes sur la balance, et qui sont aimées du tout miséricordieux. Falhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. As'alullah al-Azim. رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى كل خير وأن يجعلنا ممن حمده في السراء والضراء. الحمد لله على القرآن، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على التوحيد، الحمد لله على الصحة والأهل والولد، الحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا إلى كل خير. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.